Comme d'habitude, c'est avec un grand soupir que je referme derrière moi la porte de mon rez-de-chaussée. Soupir de fatigue, de détente, de soulagement, ou l'angoisse de la solitude. Ne cherchons pas. Ne cherchons pas. Qu'est-ce que j'ai donc ce soir? C'est ce brouillard de décembre, glacial, tout en paillettes de gel suspendues, qui vibre autour des becs de gaz en halo irisé, qui fond sur les lèvres avec un goût de créosote. Et puis, ce quartier neuf que j'habite surgit tout blanc derrière les ternes, décourage le regard et l'esprit. Sous le gaz verdâtre, ma rue, à cette heure, est un gâchis crémeux, praliné, marron mocha et jaune caramel. Un dessert éboulé, fondu, où surnage le nougat des moellons. Ma maison elle-même, toute seule dans la rue, a l'air que ce n'est pas vrai. Mais ces murs neufs, ces cloisons minces offrent, pour un prix modeste, un abri suffisamment confortable à des dames seules, comme moi. Quand on est dame seule, c'est-à-dire tout ensemble la bête noire, la terreur et le paria des propriétaires, on prend ce qu'on trouve, on gîte où l'on peut, on essuie la fraîcheur des plâtres. La maison que j'habite donne miséricordieusement asile à toute une colonie de dames seules. À l'entresol, nous avons la maîtresse en titre de Young, Young Automobile. Au-dessus, l'ami très tenu du comte de Bravailles. Plus haut, deux sœurs blondes reçoivent chaque jour la visite d'un seul monsieur très bien qui est dans l'industrie. Plus haut encore, une terrible petite noceuse mène jour et nuit un train de fox-terrier déchaîné, cris, piano, chant, bouteille vide jetée par la fenêtre. « C'est la honte de la maison », a dit un jour Madame Young Automobile. Enfin, au rez-de-chaussée, il y a moi, qui ne crie point, qui ne joue pas de piano, qui ne reçoit guère de messieurs, encore moins de dames. La petite grue du quatrième fait trop de bruit, et moi, pas assez. La concierge ne me l'envoie pas dire. « C'est drôle, on ne sait jamais si madame est là, on ne l'entend pas. On ne croirait jamais une artiste. » Ah, quelle laide soirée de décembre. Le calorifère sans lieu d'eau forme. Blandine a oublié de mettre la boule d'eau chaude dans le lit. Et ma chienne elle-même, mal lunée, grincheuse, frileuse, me jette tout juste un regard noir et blanc, sans quitter sa corbeille. Mon Dieu, je ne réclame pas d'arc de triomphe, ni d'illumination, mais tout de même. Oh, je peux chercher partout, dans les coins et sous le lit. Il n'y a personne ici, personne que moi. Le grand miroir de ma chambre ne me renvoie plus l'image maquillée d'une bohémienne pour music hall. Il ne reflète que moi. Me voilà donc, tel que je suis. Je n'échapperai pas ce soir à la rencontre du long miroir, au soliloque cent fois esquivé, accepté, fui, repris et rompu. Hélas, je sens d'avance la vanité de toute diversion. Ce soir, je n'aurai pas sommeil, et le charme du livre, oh, le livre nouveau, le livre, tout frais, dont le parfum d'encre humide et de papier neuf évoque celui de la houille, des locomotives, des départs. Le charme du livre ne me détournera pas de moi. Me voilà donc, tel que je suis, seul, seul, et pour la vie entière, sans doute. Déjà seul, c'est bientôt. J'ai franchi, sans m'en croire, humilié, la trentaine. Car ce visage-ci, le mien, ne vaut que par l'expression qui l'anime, et la couleur du regard, et le sourire défiant qui s'y joue, ce que Marinetti appelle « ma gaietta volpina ». Renard sans malice, qu'une poule aurait su prendre. Renard sans convoitise, qui ne se souvient que du piège et de la cage. Renard gai, oui. Mais parce que les coins de sa bouche et de ses yeux dessinent un sourire involontaire. Renard, là, d'avoir dansé, captif, au son de la musique. C'est pourtant vrai que je ressemble à un renard. Mais un joli renard fin, ce n'est pas laid, n'est-ce pas? Braque dit aussi que j'ai l'air d'un rat quand je mets ma bouche en pointe en clignant des paupières pour y voir mieux. Il n'y a pas de quoi me fâcher. Ah, que je n'aime pas me voir cette bouche découragée et ces épaules veules et tout ce corps morne qui se repose de travers sur une seule jambe. Voilà des cheveux pleureurs, défrisés, qu'il faut tout à l'heure brosser longtemps pour leur rendre leur couleur de castor brillant. Voilà des yeux qui gardent un cerne de crayon bleu et des ongles où le rouge a laissé une ligne douteuse. Je ne m'en tirerai pas à moins de 50 bonnes minutes de bain et de pansage. Il est déjà 1 heure. Qu'est-ce que j'attends? Un petit coup de fouet, bien cinglant, pour faire repartir la bête butée? Mais personne ne me le donnera, puisque je suis toute seule. Comme on voit bien, dans ce long cadre qui étreint mon image, que j'ai déjà l'habitude de vivre seule. Pour un visiteur indifférent, pour un fournisseur, même pour Blandine, ma femme de chambre, je redresserai cette nuque qui flanche, cette hanche qui se repose de travers. Je nouerai l'une à l'autre ses mains vides. Mais cette nuit, je suis si seule. Seule. J'ai l'air de m'en plaindre, vraiment. Si tu vis toute seule, m'a dit Brague, c'est parce que tu le veux bien, n'est-ce pas? Certes, je le veux bien, et même je le veux, tout court. Seulement voilà, il y a des jours où la solitude pour un être de mon âge est un vin grisant qui vous saoule de liberté, et d'autres jours où c'est un tonique amer, et d'autres jours où c'est un poison qui vous jette la tête au mur. Ce soir, je voudrais bien ne pas choisir. Je voudrais me contenter d'hésiter et ne pas pouvoir dire si le frisson qui me prendra en glissant entre mes draps froids sera de peur ou d'aise. Seul, et depuis longtemps. Car je cède maintenant à l'habitude du soliloque, de la conversation avec la chienne, le feu, avec mon image. C'est une manie qui vient au reclus, au vieux prisonnier. Mais moi, je suis libre. Et si je me parle en dedans, c'est par besoin littéraire de rythmer, de rédiger ma pensée. J'ai devant moi, de l'autre côté du miroir, dans la mystérieuse chambre des reflets, l'image d'une femme de lettres qui a mal tourné. On dit aussi de moi que je fais du théâtre, mais on ne m'appelle jamais actrice. Pourquoi? Nuance subtile, refus poli, de la part du public et de mes amis eux-mêmes, de me donner un grade dans cette carrière que j'ai pourtant choisie. Une femme de lettres qui a mal tourné, voilà ce que je dois, pour tous, demeurer. Moi qui n'écris plus, moi qui me refuse le plaisir, le luxe d'écrire. Écrire, pouvoir écrire. Cela signifie la longue rêverie devant la feuille blanche, le griffonnage inconscient, les jeux de la plume qui tournent en rond autour d'une tache d'encre, qui mordit le mot imparfait, le griffe, le iris de fléchette, l'orne d'antenne, de patte, jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mots, muet en insectes fantastiques, envolé en papillon fée. Écrire, c'est le regard accroché, hypnotisé par le reflet de la fenêtre dans l'encrier d'argent, la fièvre divine qui monte aux joues, au front, tandis qu'une bienheureuse mort glace sur le papier la main qui écrit. Cela veut dire aussi l'oubli de l'heure, la paresse au creux du divan, la débauche d'invention d'où l'on sort courbattu, abêti, mais déjà récompensé, et porteur de trésors qu'on décharge lentement sur la feuille vierge, dans le petit cirque de lumière qui s'abrite sous la lampe. Écrire, verser avec rage toute la sincérité de soi sur le papier tentateur, si vite, que parfois la main lutte et renâcle, surmenée par le dieu impatient qui la guide. Et retrouver, le lendemain, à la place du rameau d'or, miraculeusement éclos en 1 heure flamboyante, une ronce sèche, une fleur avortée. Écrire. Plaisir et souffrance d'oisifs. Écrire. J'éprouve bien, de loin en loin, le besoin, vif comme la soif en été, de noter, de peindre. Je prends encore la plume, pour commencer le jeu périlleux et décevant pour saisir et fixer, sous la pointe double et ployante, le chatoyant, le fugace, le passionnant adjectif. Ce n'est qu'une courte crise, la démangeaison d'une cicatrice. Il faut trop de temps pour écrire. Et puis je ne suis pas Balzac, moi. Le conte fragile que j'édifie s'émiette quand le fournisseur sonne, quand le bottier présente sa facture, quand la voix téléphone et l'avocat, quand l'agent théâtral me mande à son bureau pour un cachet en ville chez des gens tout ce qu'il y a de bien mais qui n'ont pas pour habitude de payer les prix forts. Or, depuis que je vis seule, il a fallu vivre d'abord, divorcer ensuite, et puis continuer à vivre. Tout cela demande une activité, un entêtement incroyable. Et pour arriver où? N'y a-t-il point pour moi d'autre havre que cette chambre banale en Louis XVI de Camelot, d'autre halte que ce miroir infranchissable où je me bute front contre front? Demain, c'est dimanche. Matinée et soirée à l'Empire Clichy. 2 heures déjà, c'est l'heure de dormir pour une femme de lettres qui a mal tourné.